إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولي الصالحين وخالق الخلق أجمعين ورازقهم وأشهد أن نبينا محمدا عبد الله ورسوله أرسله الله رحمة للعالمين فشرح به الصدور وأنار به العقول وفتح به أعينا عميا وآذانا صما وقلوبا غلفا أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Nous avions expliqué la semaine dernière quels furent les moyens utilisés par Nour, alayhi salatu wa salam, pour appeler son peuple sur une période longue de 950 ans. Et d'ailleurs, cette manière de varier dans la da'wa était presque nécessaire au regard de la réponse de son peuple qui accueillait sa prédication avec entêtement, orgueil, arrogance, discourtoisie. Et nous avions rappelé à cet effet que Nour alayhi salatu wassalam les avait appelés en leur rappelant les signes d'Allah tabaraka wa ta'ala dans l'univers, en leur rappelant la seigneurie d'Allah jalla wa'ala et l'unicité d'Allah jalla wa'ala dans ce domaine, à savoir qu'il est le seul créateur, le maître absolu de l'univers et le seul qui le gère et qui l'administre. Tout ceci pour les amener à l'adoration d'Allah lui seul sans rien lui associer. De même qu'il est usé envers eux de compassion en les appelant en secret ou alors ouvertement ou alors de nuit comme de jour. Tout ceci dénote et montre la patience qui était celle de Nour alayhi salatu wassalam dans sa prédication. Effectivement, dès lors que son Seigneur l'envoya à son peuple, Nour alayhi salatu wassalam commença par les réunir en leur prenant un discours et en les informant. Premièrement, qu'il est l'envoyé du Seigneur des mondes, et que ce qu'il dit relève de la révélation de la part d'Allah, il ne parle pas de son propre chef, et de même, il les informa qu'il était pour eux un conseiller digne de confiance. Allah dit Jalla wa'ala, dans la sourate de l'A'raf, sourate numéro 7, les versets 61 et 62. قال يا قوم ليس بي ضلالة ولكني رسول من رب العالمين أبلغكم رسالات ربي وأنصح لكم وأعلم من الله ما لا تعلمون. Allah dit dans le sens des versets, il dit, en parlant de Nour, ô mon peuple, il n'y a pas d'égarement en moi, mais je suis un messager de la part du Seigneur de l'univers. Je vous communique les messages de mon Seigneur et je vous donne conseils sincères. Et je sais d'Allah ce que vous ne savez pas. De même, Nour alayhi salatu wassalam dit, ici dans la sourate Ash-Shu'ara, les poètes, les versets 105 jusqu'à 107. كَذَّبَتْ قَوْمُ نُوحٍ الْمُرْسَلِينَ إِذْ قَالَ لَهُمْ أَخُوهُمْ نُوحٌ أَلَا تَتَّقُونَ إِنِّي لَكُمْ رَسُولٌ أَمِينٌ فَتَّقُوا اللَّهَ وَأَطِيعُونَ. Le peuple de Nour traita de menteurs les messagers. Lorsque Nour, leur frère, leur dit, « Ne craindrez-vous pas Allah Je suis pour vous un messager digne de confiance. Craignez Allah donc et obéissez-moi. Ici, Nuh alayhi salatu wa salam a dit, Inni lakum rasulun amin. Je suis pour vous un messager amin, digne de confiance, intègre. L'intégrité est une qualité importante et primordiale chez les envoyés. L'intègre, Al-Amin, est celui qui respecte les dépôts qu'on lui confie sans trahir ni tromper. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui-même était reconnu pour son intégrité et était surnommé Al-Amin, c'est-à-dire l'intègre ou le digne de confiance, et ceci bien avant la révélation. Sa qualité de prophète n'a fait que confirmer cette qualité en lui. Cette qualité de l'amana, l'intégrité, est citée 5 fois à la suite dans la sourate les poètes, al-shu'ara, pour décrire 5 prophètes successivement. Ce fut d'abord Nuh qui fut qualifié ainsi, puis Hud, puis Salih, puis Lut, puis Shu'aib. En réalité, ces prophètes-là ont dit d'eux-mêmes qu'ils étaient intègres. Mais puisque Allah, Jalla wa'ala, nous a rappelé ceci dans le Coran, ceci sous-entend qu'il confirme cette parole des prophètes et qu'il confirme en eux cette qualité d'intégrité. Ceci est une preuve que cette qualité est indispensable chez les prophètes et messagers, car ils se doivent de transmettre le message le plus fidèlement possible, sans dissimuler ni omettre, sans changer ni altérer. D'ailleurs, c'est sur cette base que Jibril, alayhi salatu wassalam, est aussi qualifié de Amin, lui qui transmet le message d'Allah vers le messager homme. Allah dit, Jalla wa'ala, dans la même sourate, Al-Shu'ara, des poètes, sourate numéro 26, les versets 192 à 195. Wa innahu latanzilu rabbil alamin, nazala bihi ruhul amin, على قلبك لتكون من المنذرين بلسان عربي مبين. Ce Coran, c'est le Seigneur de l'univers qui l'a fait descendre. Et l'Esprit fidèle ici c'est Jibril alayhi salatu wassalam, l'ange Jibril. L'Esprit fidèle, intègre, est descendu avec cela sur ton cœur pour que tu sois du nombre des avertisseurs en une langue arabe très claire. Donc Jibril est aussi qualifié de Amin. Il ne trahit pas le message. Autrement dit, ce que Jibril alayhi salatu wassalam transmet au messager, nous pouvons être certains que ce message vient d'Allah tabaraka wa ta'ala. D'ailleurs, Jibril alayhi salatu wassalam est doté d'une autre qualité qui lui permet, en plus de l'intégrité, qui est une vertu morale, il a aussi une qualité physique qui lui permet de préserver ce message, c'est al-quwwa, la force. Comme le dit Allah tabaraka wa ta'ala, ذو مرة فاستوى, doué d'une force puissante. Jibril est doué de force, afin qu'il puisse préserver le message venant d'Allah jusqu'au prophète, et que ce message ne soit pas volé, spolié, arraché par les shayatines. Donc, Jibril a cette qualité morale de l'intégrité et cette qualité physique de la force qui lui permettent de transmettre le message dans les meilleures conditions. De même, les prophètes, d'une manière générale, ont cette qualité d'intégrité. Ils ne mentent pas, ils ne trahissent pas, ils ne dissimulent pas, ils n'altèrent pas, ils ne dénaturent pas le sens des versets. Donc Nuh alayhi salatu wassalam a dit « Inni lakum rasulun amin » « Je suis un messager digne de confiance. » Deuxième chose, Nuh leur a dit alayhi salatu wassalam qu'il ne désire d'eux aucun bien. Dans la sourate numéro 11, Hud, le verset 29. « Qala ta'ala « Wa ya qawmi la as'alukum alayhi mala in ajriya illa ala Allah » وَمَا أَنَا بِطَارِدِ الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّهُمْ مُلَاقُوا رَبِّهِمْ

Nous avions expliqué ceci la semaine dernière, à savoir qu'il y a une corrélation très étroite entre la descente de la pluie et des bienfaits d'une manière générale et l'imploration du pardon d'Allah Jalla wa'ala. Ceci est corroboré par la parole d'Allah suivante dans Sourate Al-A'raf, Sourate numéro 7, verset 96. ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض ولكن كذبوا فأخذناهم بما كانوا يكسبون. Si les habitants des cités avaient cru et avaient été pieux, nous leur aurions certainement accordé des bénédictions du ciel et de la terre. Mais ils ont démenti et nous les avons donc saisis pour ce qu'ils avaient acquis. Si les habitants des cités avaient cru et avaient été pieux, ce qui sous-entend qu'ils implorent le pardon d'Allah, Jalla wa'ala, nous leur aurions certainement accordé des bénédictions du ciel et de la terre. Hada huwa mawtin ash-shahid. Voilà ce qu'il faut retenir dans ces versets coraniques. Nuh, alayhi salatu wassalam, a utilisé toutes ses formes de prédication pendant 950 longues années, de nuit, de jour, en secret, en public, en leur rappelant les bénéfices du tawhid et les méfaits du polythéisme. Il n'a ni faibli, ni failli. Mais quel fut le résultat? Quelle fut la réponse de son peuple? Quelles furent les conséquences de ce refus et de cet orgueil? Après avoir cité tous les bienfaits par lesquels Allah a gratifié ses créatures, et après avoir observé leur obstination et leur désinvolture vis-à-vis des recommandations et des conseils, Nuh alayhi salatu wassalam se plaignit à son Seigneur. Dans la sourate Nuh, le verset 21, قال الله جل وعلا قال نوح ربي إنهم عصوني. Nuh dit, Seigneur, ils m'ont désobéi. Dans tout ce que je leur ai ordonné, tous mes propos, mes rappels, mes exhortations, tout ceci n'a été d'aucune utilité pour eux et tout ceci n'a rien rapporté de convaincant. Et aussi, il continue et il dit وَاتَّبَعُوا مَنْ لَمْ يَزِدُهُ مَالُهُ وَوَلَدُهُ إِلَّا خَسَارًا. Et ils ont suivi celui dont les biens et les enfants n'ont fait qu'accroître la perte. Ce qui signifie qu'ils ont désobéi au messager, qui est l'être le plus sincère dans son intention de conseiller le bien, et ils ont préféré suivre les nobles et les notables, ceux dont les richesses et les enfants n'ont fait qu'augmenter leur perdition. Ces notables ont ainsi tout perdu et ont laissé passer devant eux d'immenses récompenses. Que dire alors de ceux qui ne détiennent aucune richesse dans cette vie d'ici-bas et qui, en plus de cela, ont suivi et obéi à ces notables? Ils ont réellement perdu cette vie d'ici-bas et l'au-delà. Alors, comment a répondu son peuple? Si on reprend l'ensemble des versets coraniques qui reprennent leurs réponses, on peut les résumer comme suit. Premièrement, ils se sont obstinés, enflés d'orgueil, ont montré de l'incorrection et de l'insolence. Allah dit dans la sourate Nuh, le verset numéro 7. قال الله جل وعلا وإني كلما دعوتهم لتغفر لهم جعلوا أصابعهم في آذانهم واستغشوا ثيابهم وأصغروا واستكبروا استكبارا. Et à chaque fois que je les ai appelés pour que tu leur pardonnes, ils ont mis leurs doigts dans leurs oreilles, se sont enveloppés dans leurs vêtements, se sont entêtés et se sont montrés extrêmement orgueilleux. Nous avions expliqué ce verset la semaine dernière. Regardez un petit peu le degré d'orgueil et d'arrogance qu'ils avaient, jusqu'à mettre leurs doigts dans leurs oreilles et de s'envelopper dans leurs vêtements, comme pour montrer qu'ils étaient imperméables à ce qu'ils entendaient. Deuxièmement, ils ont menacé Nuh de lapidation s'ils n'arrêtaient pas sa prédication, comme le rapporte Allah Jalla wa'ala dans la sourate Al-Shu'ara, les poètes, le verset numéro 116. « قَالُوا لَإِنْ لَمْ تَنْتَهِيَا نُوحُ لَتَكُونَنَّ مِنَ الْمَرْجُومِينَ. » Ils dirent, si tu ne cesses pas, Nuh, tu seras certainement du nombre des lapidés. Troisièmement, ils dénigrèrent son statut de messager et prétextèrent que seuls les gens vils le suivaient. Les gens vils, les gens de basse classe, comme ils disent. Dans la sourate numéro 11, Hud, le verset numéro 27. Allah dit à Baraka wa ta'ala, فَقَالَ الْمَلَأُ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ قَوْمِهِ مَا نَرَاكَ إِلَّا بَشَرًا مِثْلَنَا وَمَا نَرَاكَ اتَّبَعَكَ إِلَّا الَّذِينَ هُمْ أَرَاذِلُنَا بَادِيَ الرَّأْيِ وَمَا نَرَى لَكُمْ عَلَيْنَا مِنْ فَضْلٍ بَلْ نَظُنُّكُمْ كَاذِبِينَ. Les notables de son peuple qui avaient mécru dirent alors, nous ne voyons en toi qu'un homme comme nous. C'est comme s'ils viennent ici dénigrer son statut de prophète. Puis ils continuèrent et dirent, et nous voyons que ce sont seulement les vils parmi nous qui te suivent sans réfléchir. Et nous ne voyons en vous aucune supériorité sur nous, plutôt nous pensons que vous êtes des menteurs. Ibn Kathir, rahimahullah tabarak wa ta'ala, a dit, ils se sont étonnés du fait qu'un homme puisse être messager. Ils ont méprisé ce qu'ils ont suivi, en les considérant comme des êtres vils. On rapporte qu'ils étaient parmi les plus pauvres et les plus faibles. Mais ce sont eux, ces derniers, qui suivent les prophètes, comme l'a dit Héraclius à Abi Sofiane. Ceci, car rien ne les empêche de suivre la vérité. Et lorsqu'ils disent, ils te suivent sans réfléchir, cela veut dire qu'ils ont répondu à l'appel sans exprimer le moindre doute et sans même hésiter. Le blâme qu'ils leur adressent est en fait la raison principale pour laquelle ils sont loués. Qu'Allah Jalla wa'ala soit satisfait d'eux. Car la vérité est manifeste et n'a pas besoin qu'on y réfléchisse, qu'on l'examine ou que l'on doute. Au contraire, il faut y croire et s'y soumettre dès qu'elle se manifeste. Les mécréants du peuple de Nour, alayhi salatu wa salam, lui dirent ainsi qu'à ceux qui ont cru en lui, nous ne vous reconnaissons aucune supériorité sur nous. C'est-à-dire que rien n'est apparu chez vous après la foi, rien qui vous distingue de nous. Mais nous pensons que vous êtes des menteurs. Fin de citation. En réalité, la chose qu'il lui reprocha, à savoir que seuls les gens faibles le suivent sans réfléchir, pour Allah, c'est une éloge. Et pour eux, c'est un blâme. Pour eux, c'est quelque chose de dégradant, alors que pour Allah, c'est quelque chose de gratifiant. En effet, ils ont suivi Nour, car rien ne les empêchait de le suivre. Ni les enfants, ni la richesse, ni le statut social, ni le pouvoir. Rien ne les empêchait de suivre la vérité, contrairement à ces gens-là, qui refusaient la vérité à cause des privilèges qu'ils avaient dans cette vie d'ici-bas. Et de peur de perdre ces privilèges, ils montraient ou ils manifestaient une méfiance flagrante à Nour et à son message. Deuxièmement, ils disaient de ces gens vils et faibles qu'ils suivaient Nour sans réfléchir. Mais c'est justement ce qu'Allah nous demande de faire, de suivre sans réfléchir dès lors que la vérité est manifeste. Comme ce fut le cas de Abu Bakr as-Siddiq, radiallahu tabaraka wa ta'ala anhu, qui a cru du premier coup car la vérité s'est manifestée devant lui. Aussi, ils prétendirent que Nour alayhi salatu wa salam voulait s'accaparer leurs biens pour sa prédication et qu'il voulait avoir prééminence sur eux. Allah dit tabarak wa ta'ala dans surat al-mu'minun, surat numéro 23, le verset numéro 24. فقال الملأ الذين كفروا من قومه ما هذا إلا بشر مثلكم يريد أن يتفضل عليكم ولو شاء الله لأنزل ملائكة ما سمعنا بهذا في آبائنا الأولين. Alors les notables de son peuple qui avaient mécru dire, celui-ci n'est qu'un être humain comme vous, voulant se distinguer à votre détriment. Si Allah avait voulu, ce sont des anges qui l'auraient fait descendre. Jamais nous n'avons entendu cela chez nos ancêtres les plus reculés. Donc ils avaient cette crainte que Nour voulait se distinguer, les surpasser en bien et en honneur, preuve qu'ils attachaient une grande importance au bien et aux bienfaits de cette vie d'ici-bas. Et ils voulaient absolument les préserver et ne pas les perdre. Ils ont dit aussi de lui que c'était un égaré, un menteur, un fou, une personne qui parle trop et polémique. Toutes ces invectives à son encontre ont perduré pendant 950 ans. 950 longues années, imaginez-vous. قال الله جل وعلا ومكروا مكرا كبارا. Ils ont ourdi un immense stratagème. Les notables ont employé le grand vice afin de s'opposer à la vérité. Et ils ont dit, وقالوا, comme ceci est rapporté dans la sourate Nuh, ils ont dit à leur peuple, les appelant au polythéisme et en leur obéissant celui-ci, وقالوا لا تذرن آلهتكم. N'abandonnez jamais vos divinités. Ils ont appelé leur peuple à s'attacher de toute leur force au polythéisme et à ne jamais délaisser ce que leur père adorait bien avant eux. De même, ils enjoignaient leurs enfants de rester sur cette religion et de prendre garde à cet homme en la personne de Nuh, alayhi salatu wassalam, en le taxant de fou, de menteur, d'égaré, d'une personne qui polémique à tort et à travers. Ils ont ensuite nommé leur divinité de la façon suivante. Wala tazarunna waddan, wala suwa'an, wala yaghouth, wala ya'ouq wa nasr. Et n'abandonnez jamais wad, wa suwa', wa yaghouth, wa ya'ouq wa nasr. Nous avions déjà expliqué que ces cinq divinités et ces cinq noms appartiennent à des hommes vertueux. Après leur mort, ils furent adorés. Satan embellit alors à leur peuple le fait d'établir des représentations de ces hommes pieux sous prétexte de se rappeler leur piété et ainsi de se motiver dans l'adoration d'Allah Jalla wa'ala. Tout cela n'étant que ruse de sa part. Puis le temps passa, et Shaitan insuffla aux nouvelles générations, vos ancêtres adoraient ces représentations, c'est grâce à ces représentations qu'ils obtenaient la pluie. C'est ainsi que ce peuple se mirent à leur vouer une adoration. Et leurs notables les exhortèrent à ne jamais délaisser l'adoration de ces idoles. قال تعالى. Allah dit dans Surat Nuh, le verset numéro 24, وَقَدْ أَضَلُّوا كَثِيرًا. Ils en ont déjà égaré beaucoup. Les nobles et les notables ont égaré un grand nombre de personnes par leur prêche. C'est après tout ce temps que Nuh, alayhi salatu wassalam, décida d'invoquer l'aide d'Allah et son soutien contre eux. À partir de ce moment-là, la prédication de Nuh va passer à une autre étape. Il va invoquer contre eux et en même temps implorer l'aide d'Allah Jalla wa'ala. Puisque Nuh alayhi salatu wassalam dira, le verset numéro 24 de la même sourate, وَلَا تَزِدِ الظَّالِمِينَ إِلَّا ضَلَالًا. Ô Seigneur, ne fais croître les injustes qu'en égarement. Si leur égarement était uniquement celui qui était présent avant que je fasse mes exhortations, cela aurait pu changer. Mais malheureusement, toutes mes prêches ne firent qu'accroître l'égarement des notables. Et il ne reste donc plus d'espoir de les voir s'améliorer. C'est la raison pour laquelle Allah tabaraka wa ta'ala mentionne à la suite de ce verset le châtiment et la punition qui les attendent, aussi bien dans leur vie d'ici-bas que dans l'au-delà. C'est à ce moment-là qu'Allah tabaraka wa ta'ala ordonnera à Nuh de construire la fameuse arche. Nas'Allah tabaraka wa ta'ala an yuwaffiqana lima yuhibbuhu wa yarda wa nas'aluhu jalla wa ala al-huda wa tuqa wa al-afaf wa al-ghina wa subhanaka Allahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa ant astaghfiruka wa atubu ilayk. Barakallahu fikum wa jazakumullahu khayral jazaa.